Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Villebrequin. Et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui. Mais si vous n'étiez aimés. Mais comme ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. Quelle invention? C'est que ma cousine, dès l'heure que je vous parle, contrefait la malade. Et le bon vieillard, qui est assez crédule, m'envoie guérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fût de vos bons amis et qui fût de notre intelligence, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne. Le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de notre jardin. Et par ce moyen, vous pourriez l'entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser et le laisser fester tout son sou avec Villebrequin. Mais le moyen, dis-moi, de trouver si tôt un médecin à ma poste et qui voulut tant hasarder pour mon service. Je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à duper que le bonhomme. Mais non, c'est un lourdeau qui gâtera tout. Mais il faut s'en servir, faute d'autre. Adieu. Je la vais chercher. Oh. Où diable trouver ce maroufle à présent? Magnifique, splendide, lumineux, comme le feu dans le soleil levant. Oh, mon pauvre Sganarel, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme que je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement en vos affaires de conséquence, en quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge. Voir combien d'heures pour marcher, abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est que j'ai besoin que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira, mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour ne rien faire du tout. Mais par quel bout m'y prendre, mon Dieu? À ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi. Hein? Si tu veux entreprendre cela, va, je te donnerai... 10 pistoles. Ah, pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois médecin. Ah, car bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil. Oui. Pour vous dire la vérité. Oui. Mais quand je serai médecin, oui. Chez le bonhomme Gorgibus. Voir sa fille, qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien... Oh, mon Dieu, monsieur, ne vous mettez point en paix. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire, après la mort, le médecin. Oui. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira, après le médecin, car la mort. C'est moi qui suis tombé par terre ou la terre qui s'est précipitée sous moi? Mais néanmoins, quand je songe, cela est bien difficile de faire un médecin si je ne fais rien qui va. Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours. Pourvu que tu lui parles d'Hippocrate. Et de Galien. Et que tu sois un peu effronté. Hippocrate. Galien. C'est-à-dire qu'il faudra parler philosophie. Mathématiques. Laissez-moi faire, monsieur. S'il est un homme facile, comme vous le dites, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un avis de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promises. Auguste, bah, tu es un lourdeau. Thank you. guérir un médecin car ma fille est bien malade. Et dépêchez-vous. Mais que diable aussi! Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Oh. Ne croyez-vous pas que c'est le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Oh. Voyez la connexité qu'il y a. Che triste senza amore e la disperazione senza spirito gaio infelice il cuore per vincerò ogni cosa bisogna amarsi bene. Solo conviene questo eccellente e tutto il resto è niente, niente. Ah. Connexité qu'il y a. Oh. Il y a connexité. Tout le monde voit la connexité. Mais lui ne la voit pas. Mais va-t'en vite. Va-t'en, car je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Je vous trouve, Franco, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde. Oh. Un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin qu'il me guérisse. Et où est-il donc? Le voilà qui me suit. Tenez, le voilà. Humble serviteur, monsieur le médecin, je vous envoie guérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit Égalieu, par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien comme elle est malade. Oh. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. Vous m'envoyez fort ami. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, oh. Un médecin du commun. Oh. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des abortons de médecine. J'ai des talents particuliers, comme c'est bizarre. J'ai des secrets. Rodrigo Satud ou Corum. Tout autre risque, mon père, Romnia Secula Secular. Amen. Amen. Mais encore, voyons un peu. Un, deux, ah, le voilà, le brigand. Lancette. Hey, oh. C'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Mais n'importe, le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Oh, oh. Oh. Mystérieux. Oh, c'est le mien. Oh. Oh. Oh. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Oh. Oh. La couleur en est belle. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Oh. Monsieur Gorgibus, attention! Bougie! Bougie? Et voilà la bougie. Attention, loupe! Et voilà la loupe. Tu me vois? Non. C'est bouché. C'est bouché. Clister. Et voilà le clister. Oh. Oh. Loupe, et voilà la loupe, tu me vois? Oui, je le vois, le brigand. Bougie, et voilà la bougie. Chaleur, c'est parfait, monsieur Gorgibus. Oui. Y aurait-il moyen de voir de l'urine de l'écrotante? Oh oui, da, Sabine, Sabine, allez vite guérir de l'urine de ma fille. Ah, oh, monsieur le médecin, j'ai grand peur, mais grand peur qu'elle ne meure. Comment? Ah, qu'elles sont en garde bien. Il ne faut pas qu'elles s'amusent à se laisser mourir sans l'ordonnance du pouvoir. Oh, au feu, au feu, au feu, au feu. Ah, mais je suis pas ton grand frère. qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Elle n'est point tant mauvaise pourtant. Mais quoi, monsieur, quoi? Vous l'avalez? Ne vous étonnez pas de ça, les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Oh. Et moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Oh. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Oh. Voulez-vous goûter? Ah non, merci, Jacques. Je n'ai pas le goût si subtil. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Oh, non. Oh. Oh. Qu'on la fasse encore pisser. Il y aurait bien celle de ce matin, encore toute fraîche. Eh ben, qu'attends-tu, va la chercher. Oh, j'ai bien une appel de la bien pisser. Que cela? Voilà bien une fois, fais de la pisser copieusement. Copieusement. Si tous les malades pissent de la sorte. Oh, oh. Je veux être médecin toute ma vie. Vite, Lucille, pressons, pressons. Vite, Lucille, pressons, pressons. Monsieur Kim, voilà une pauvre pisseuse que votre fille. Une pauvre pisseuse. Et qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative. Oh. Une potion pissative. N'y a-t-il pas moyen de voir la malade? Allez, levez. Si vous voulez, je la ferai venir. Faites-la venir. Je suis de la vieille école avant de faire un diagnostic. Je préfère voir la malade. Ah. Ah, voici ma fille. Et qu'il n'y a rien de plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire, avec ce grand homme, que votre fille est fort malade. Fort malade, oh. Il faut que je vous fasse une ordonnance. Une ordonnance, allons vite, une table. Allons vite, une table. Et voilà la table. Voilà la table. Voilà la table. Un siège. Et voilà le siège. Vite le siège. Du papier. Les voilà. Y a-t-il ici quelqu'un qui sache écrire, hein? Bah, et quoi, je ne savais vous pas. Non. Oh. Oh. J'avais oublié. Oh. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'oublie la voiture. Je crois qu'il serait nécessaire que... Oui. Votre fille prie un peu l'air. Ah. Ah. Quelle... Qu'elle se divertit. Ah, ah, ah, ah. À la campagne. À la campagne, nous avons là-bas un fort beau jardin et quelques chambres qui répondent. Si vous le trouvez à propos, je l'y ferai loger. Allons, allons visiter les lieux. Allons. Allons. De M. Gorgibus était malade, il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Du vin là-dedans, comme c'est curieux. Hola, hola, M. Gorgibus, y est-il? Oh, très simple serviteur, monsieur. Ah, je vois que vous vous intéressez aussi aux productions de la fille. Production des demoiselles, la couleur en époque. Ah, oh, c'est savant, mais quelle manie. Mais prenez celle-ci, elle est plus fraîche de ce matin. Non, non, merci, c'est deux gouttes, monsieur fils. À votre santé. Bon. Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, je vous suis venu témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. Oh, j'étais là-dedans avec le plus savant homme, un médecin, au talent tout à fait particulier. Un savant homme au talent tout à fait particulier? N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Oh, mais très certainement, monsieur. Monsieur, voilà un très habile homme de mes amis qui souhaiterait de vous parler et vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus, il faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Monsieur, après ce que m'a dit monsieur Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu toute la passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. J'espère que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelque science sont dignes de grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause de son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Oh non ! Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme, Vita brevis ars vero longa, occasua autem preceps, experimentum periculosum, judicium difficile. Difficile étant il impotabarel combustibus. Un combustibus ! Fille, vous ne l'aimez pas? Non! Eh ben alors pourquoi insistez-vous pour en boire? De l'eau! De l'eau! De l'eau! De l'eau! De l'eau! De l'eau! À votre santé, monsieur! Pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appellera sympathique et je crois que vous l'exercez tous les jours avec vos potes. Expérience simple, magistrat. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doit mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, parce qu'il ne dépend pas absolument de son remède ni de son savoir. In eternum docta plus valet arte malum, parfois le mal est plus fort que le savoir. Et liberano, ça va. De l'eau. Je suis aveugle. Monsieur, je prends congé de vous dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de m'entretenir avec vous avec plus de loisir. Vos heures sont précieuses. Bonsoir, madame. Eh bien, que vous semble de cet homme-là? Il sait quelques petites choses. Ah. S'il fut demeuré tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Ah, oula, oula, oula, oula. Et que voulez-vous faire? Ah, je sais ce que je vous dois. Vous moquez, monsieur Gorgibus, je n'en prendrai pas. Non, mais si. Je ne suis pas un homme mercenaire. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Ah, ben tant pis. Mais non, mais non, mais non. Comme dit Socrate, avec l'argent, il faut savoir garder ses distances. Oh, c'est un des serviteurs, monsieur Gorgibus. Oh, quel homme, mais quel homme discret. sais ce qu'aura fait ce galerette, j'ai découvert toutes ces nouvelles. Et je suis fort en peine, je le pourrais rencontrer. Ah, oh, mais bon, le voici, bien ce galerette. Illustrissime seigneur, splendide, merveilleux, lumineux, comme le feu dans le soleil levant. Pas les pattes. Qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Merveille sur merveille. Hein? J'ai si bien fait que Gorgébus me prend pour un habile médecin. Oh, vraiment? Je me suis introduit chez lui et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille. Laquelle est à présent dans notre appartement, vive au bout de notre jardin. Tellement. Et quelle est forte éloignée du vieillard et que vous pouvez l'aller voir commodément. Ah, que tu me donnes de joie. Sans perdre de temps, je l'avais trouvé de ce pas. Juste ici, vous n'oubliez rien? Oh! L'autre! Oh! Le maître qui vole son valet! Quel monde! Il faut avouer que le bonhomme Gorgibus est un vrai bandeau de se laisser tromper de la sorte! Non, mais il a parce que tout est perdu. C'est à ce coup que voilà la médecine renversée. Mais il faut que je le trompe. Bonjour, monsieur Nelson. Ah, oh, monsieur, votre serviteur. Oh, mes pieds. Oh, monsieur, vous voyez un pauvre garçon au désespoir? Ah. Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu dans cette ville? Oh! Qui fait des cures admirables. Mais pardieu, oui, je le connais. Et il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère, monsieur, nous sommes gémeaux. Gémeaux? Et comme nous nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Oh, je te donne au diable si je m'y étais trompé. Comment vous nommez-vous? Narcisse, monsieur. Narcisse! Pour vous rendre au service, il faut que vous sachiez qu'étant dans son appartement, oui, j'ai renversé deux fioles d'essence qui étaient sur le bout de sa table. Oh! Aussitôt, maestro, la musique de mon frère. Aussitôt. Oh! Oh, c'est tout à fait lui. Il s'est mis dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors du logis. Tellement que je suis un pauvre garçon à présent sans appui, sans support, sans aucune connaissance. Oh, encore mes clés. Ah ben, elles sont là, c'est curieux. Ne craignez rien, il est de mes amis. Je vous promets de vous remettre avec lui. Non, pas d'argent, je vous en prie. Je lui parlerai d'abord que je le verrai. Je serai bien obligé, monsieur Gorgibus. Je vous en prie. Et je vous en prie, brave garçon, j'en fais mon affaire. Où sont mes clés? Il faut avouer que lorsque les malades ne veulent pas suivre l'avis des médecins, et qu'ils s'abandonnent à la dépense. Oh, monsieur le médecin. Et que... Monsieur le médecin, j'ai une grâce à vous demander. Qu'est-il, monsieur? Est-il question de vous rendre service? Oh non, pas du tout. Mais je viens le rencontrer, monsieur votre frère, qui est tout à fait... C'est un coquin, monsieur Gorgibus. C'est quoi, monsieur? Je vous réponds qu'il est tout à fait contrit de vous avoir mis en colère. C'est un ivrogne, monsieur Gorgibus. C'est quoi, monsieur? Voulez-vous désespérer ce pauvre garçon? On ne m'en parle plus! Oh! Mais voyez l'impudence de ce coquin-là, que vous allez trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en plus parler. Au nom de Dieu, monsieur le médecin, faites cela pour l'amour de moi. Si je puis vous être utile en quelque affaire, je vous promets de le faire. Oh, tiens, de l'argent. Je m'y suis engagé. Vous m'en priez avec tant d'insistance que... Quoique je se fais le serment de ne lui pardonner jamais. Allez, touchez-la, je lui pardonne. Je vous assure que je me fais grande violence. Et qu'il faut que j'ai bien de la complaisance, pauvre. Oh, c'est très aimable. Adieu, monsieur Gorgibus. Adieu, monsieur le médecin. C'est à moi. Oh! Je m'en vais à présent chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle. Oh! Que j'avoue que je n'ai jamais cru que Canarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Bravo! Quand j'ai pu se rencontrer, et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Oh, ah, bien, fuyez-vous-en, le voici. Ah, monsieur. Je viens de voir monsieur votre frère qui m'a assuré qu'il vous pardonnait. Mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis et je l'irai chercher. Monsieur, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Hein? Et puis je ne resterai pas chez vous, je crains trop sa colère. Oh, mais vous demeurerez, car je vous enfermerai. Hey! Je m'en vais à présent chercher votre frère. Je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Ma foi, me voilà attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais. Et j'ai bien peur que s'il vient à crever, il ne grêle sur mon dos fort ce coup de bâton. Ou que, par quelque ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins un côté royal sur les épaules. Mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer? Puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout. Oui, oui, il en faut encore sortir et faire voir que Sganarelle est le roi des fourbes. Sganarelle, viens ici, j'ai tes cheveux. Et comment? Oh, une corde, comme par hasard. Que je demeure ici et que je vois à quoi tout cela aboutira. Oh, je ne saurais où trouver ce médecin. Je ne sais où diable. C'est à vous cacher. Oh, mais le voilà, monsieur. Ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Il faut pour ma satisfaction que vous l'embrassiez en ma présence. Entrez dans mon logis. Et faites cela pour l'amour de moi. Oh, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous vous manquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne? Je ne le veux jamais voir. Oh, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Faites cela pour l'amour de moi. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Veuillez... Je l'attends ici. Ah, oui, t'as, je m'en vais le lui dire. Monsieur? Oui? Monsieur, il y a un cerf-volant chez vous. Ah, un cerf-volant? Il ressemble à un homme au bout d'un fil, ah, avec un habit couleur châtaigne, oui, des galons verts, oui, les cheveux bleus, les cheveux bleus, oui, les pommettes rouges. Oui, et toi le nez rouge, et vous, non, là, allez là. Ah, ah, monsieur Gachet. Ah, voilà votre père qui vous attend là-bas. Il m'a assuré qu'il fera tout ce que je voudrais et qu'il vous pardonnerait. Je vous prie de le faire venir ici. Oui. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon, parce que sans doute il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Oui, Dad, je m'en vais le lui dire. Votre frère vous demande d'entrer dans la maison afin que vous demande pardon. Pardon. Qu'est-ce que vous avez là, vous? C'est la mode. Ah, oh, je suis curieux. Afin qu'il vous demande pardon en particulier, voici les clés. Entrez dans mon logis et faites cela pour l'amour de moi. Monsieur Gorgibus, je vous remercie. Ah. Oh, oh là, oh, il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je le vais traiter. Ah, doucement. Oh, me voilà. Coquin. Oh, oh, si mon frère, je vous demande pardon, je vous promets qu'il n'y a pas de ma faute. Ah, il n'y a pas de ta faute. Oh, pilier de l'émo. Mais non. Qui croyez que tu es? Non. Je t'apprendrai à vivre. Oh, avoir la hardiesse d'importuner monsieur Gorgibus. Mais non. De lui rompre la tête. Mais cela n'est rien. De tes sottises. Monsieur mon frère, tais-toi, tenu. Je ne vous désoblige. Tais-toi, coquin. Qui diable pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? Monsieur le médecin avec son frère. Narcisse, ils avaient quelques différends. Ils font leur accord. Le diable emporte ils ne sont qu'un. Oh, mais tu es, je t'apprendrai à vivre. Oui. Oh non. Oh, oh, oh. À l'hypocrite, comme il fait le bon apport. Oh, non. Mais monsieur. Il voit bien qu'il a failli le prendre. Dites-lui un peu, par plaisir, qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Oui, dame, monsieur. Oui. Monsieur, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur. Oh. Oui, tiens. Oui, je suis indigne. Et puis, je ne saurais le souffrir auprès de moi. Oh, monsieur, ne me refusez pas cette grâce après toutes celles que vous m'avez faites. En vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne vous puis rien refuser. Ah. Donc, montre-toi, coquin. Non, c'est une chose que je refuse. Ah. À tout le monde. Oh. Sauf à vous. Ah. Pardon de vous avoir tant importuné. Mais vous promets, mon frère, en présence de monsieur Gorgibus que voici. Où est-il ? Ici. Ah, je vois. De faire si bien désormais que vous n'aurez plus lieu de vous plaindre. Vous priant de ne plus songer à ce qui s'est passé. Eh bien, ne les voilà-t-il pas tous deux ? Mais il perd ma foi. Il est sorcier. Oh, qu'est-ce qui vous arrive, mon corps? Si vous ne me délivrez pas, j'emmène votre maison avec moi. Oh, oh, mais non, mais certainement pas. Oh, mais quel homme. Oh. Monsieur Gorgibus, voilà les clés de votre maison que je vous... Ah, je n'ai pas voulu que ce coquin soit descendu avec moi. Parce qu'il me fait honte. Oh, je ne voudrais pas qu'on le vit en ma compagnie dans la ville où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire descendre autant bon vous semblera. Je suis votre obligé, monsieur Gorgibus. En présence de serviteur, monsieur le médecin, je m'en vais à présent délivrer ce pauvre garçon, car en vérité, s'il lui a pardonné, ce n'est pas sans l'avoir bien maltraité. Merci de toute la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie. Oh, ça n'est rien. Monsieur. Oui. Messieurs. Oui. Où croyez-vous que soit présent notre médecin? Oh, mais tu m'ennuies, il s'en est allé. Je le tiens sous mon bras. Hein? Et voilà le coquin qui faisait le médecin et qui vous trompe. Et cependant qu'il vous trompe et fait la farce chez vous. Allez, votre fille sont ensemble. Qui s'en vont à tous les diables. Oh, mais tu seras pendu. Monsieur, qu'allez-vous faire pour prendre? Écoutez un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est par mon avance que vous m'êtes avec votre fille, mais en le servant, je ne vous ai pas les obligés. C'est un sortable pour elle, tant pour la naissance que pour les miens. Pendu. Pendu. On aurait en pleine confusion. Et on peut y aller à tous les diables. Ce coquin-là avec des broquins. Pendu, pendu, pendu, fiché. Des insultes, des querelles. Qui est-il donc? Oh, ce gamarade a été démasqué. C'est un imposteur. Un faux médecin. Faux imposteur? Ce sont titres appropriés pour un médecin et je m'offre à le défendre en justice. Mais s'il est pendu, j'espère que nous assisterons à une belle érection. Non, exécution. Non, pas exécution, j'ai bien dit érection. Ne savez-vous pas que l'étranglement par la corde produit ce phénomène érotique? Empédocle nous assure que Mars, pour faire belle figure devant Vénus, se pendait tous les soirs avant de se mettre au lit. Mais pour en revenir à la défense de Cianarelle, voulez-vous entendre la plaidoirie que j'ai en tête? Thank you. Ah non. Ah si. Ah non. Oh si. Oh, c'est impossible. Et pourquoi donc? Et c'est pas dans le texte. Oh. Mais voici nos amants. Ah. Nous nous jetons à vos pieds. Oh, je vous pardonne. Je suis heureusement trompé par Scannerel, ayant un si brave gendre. Allons tous faire noce et boire la santé de toute la compagnie. Hey, hey. Permettez-moi de prononcer son oraison, s'il vous plaît. J'étais un ami. Non, non, là, son médecin. Oh,